comme une odeur dans un coin de mon cœur qui me colle au regret. Et même t'apercevoir à travers le brouillard, je m'en contenterai. Sur le grand tableau noir, la craie de ma mémoire ne peut pas s'effacer. Et même te voir de loin, dire adieu à un train, je m'en contenterai. Je m'en contenterai, je n'ai pas d'autre choix. Tu es le seul été qui me sauve du froid. Même de tes non-dits et même de ton mépris, sache que bon gré, mal gré, je m'en contenterai. Perdant mon chagrin, comme on promène un chien dans un mauvais quartier. Ces mots de bazar, tout écrit au hasard sur du mauvais papier. Je m'en contenterai. T'en contenteras.